collaboration avec la Ruche de Québec. On a presque atteint notre objectif et on a besoin d'un dernier petit coup de pouce. Contribuez sur laruchequebec.com pour que notre rêve devienne réalité. Bonsoir les amateurs de musique progressive, c'est l'émission Terra Incognita qui sera avec vous pour les deux prochaines heures, qui fait suite aux illusions auditives, avec toujours une sélection intéressante de musique de toutes les époques. Et nous, ben, on va se concentrer dans la musique progressive, disons un petit peu plus récente. Et on va débuter tout de suite avec quelque chose d'intéressant. C'est le nouveau Opeth qui vient de sortir, qui est sorti cette semaine, en fait, qui s'appelle Pale Communion. Et notre groupe scandinave, presque métal, là, à l'époque, a continué à évoluer et a poursuivi sur la lancée de Héritage. On se demandait s'ils allaient revenir à leur... leur métal gothique, ils ont continué dans la lignée là, de la musique progressive, assez recherchée, et il n'y a plus de chant guttural, là. On dirait que ça fait partie du passé. Il faut dire que Michael Åkerfeldt, le leader, dans une entrevue dans un magazine Guitarist and Bass, disait qu'il écoutait à peu près de tout, mais pas de heavy metal. Donc ça donnait un petit peu le message. Et avec ce Pale Communion, c'est la suite de cet album-là. On va écouter aussi des extraits du CD sampler de Progressis numéro 77. Marc en a parlé un petit peu la semaine dernière. Et aussi le CD qui vient avec. Et donc, on va entendre une pièce de Jeff Green Project. En fait, c'est un Américain qui vient de la Californie, qui a émigré vers l'Irlande en 1986 et il est resté là. Et sur ce disque-là, qui s'appelle Elder Creek, il se fait aider de Alan Reed et Mike Stubbe, qui ont été bien connus pour leur participation à Palace. Il y a aussi Sean Felkins, qu'on a déjà entendu sur nos ondes. Donc, c'est un groupe de néo-prog. Et sur la pièce qu'on va entendre, qui s'appelle Guardian Knot, on sent des influences américaines, toujours décrites dans le magazine Progressiste. Et des influences américaines à la Kansas. On va parler aussi de Colossus, en fait le label Colossus Musea, qui a fait paraître le Decameron volume 2. Et on va entendre quelques extraits, mais on va commencer par la partie 1 avec un extrait du groupe Nexus qui s'appelle The Evil Priest. Donc on y va tout de suite avec Opeth. The sun upon my skin, leave to a sorrow is whispering with you. I'm always waiting for you before I sleep. There is no comfort in the distance that we thank you. with the Jabberwock's dead. Same as

chez Colossus. Donc, c'est rédigé en italien et non en latin, comme c'était la coutume. Et le récit, le cadre du récit, bien, on dit que c'est afin de fuir l'épidémie de peste noire qui ravage la ville de Florence en 1348. Il y a 10 jeunes gens, dont 7 femmes et 3 hommes, qui se réunissent dans un Éden. Ils se sont réfugiés à la campagne où tout semble idyllique. Donc, c'est un Éden terrestre. Et c'est ça, c'était pour fuir les épidémies là, de peste noire. Et c'est une figure de style qu'on dit antithèse. Donc, c'est une œuvre importante là, qui date un peu, mais Colossus et tout ce groupe-là là, ont décidé d'en faire une histoire qui se joue sur 8 disques. Donc, on va entendre un extrait d'un groupe qui s'appelle Oceanic Legion. Et ce groupe-là, ben c'est des gens qui sont assez connus, dont Steve Unruh, qu'on voit un peu partout. En fait, on se demande si ce monsieur-là dort de temps en temps, parce qu'il participe à toutes sortes de choses. Et en plus de Steve Unruh, on retrouve aussi Lalo Huber, qui est le leader de Nexus qu'on vient d'entendre. Donc, on va entendre aussi, en début de ce bloc-là, le groupe allemand Ostalov, qu'on retrouve sur le disque progressiste. Et Ostalov, avec leur album Good Morning Dystopia. Et c'est... en fait, le nom du groupe, c'est un petit peu étrange, on se demande où est-ce qu'ils trouvent le nom. C'est tout simplement sur un test pour la vue, où ce qu'on voyait Osta, O-S-T-A sur une ligne et L-C-V-E sur l'autre ligne. Ils ont changé ça en Ostalov, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est un album concept. Et on dit que la dystopie, c'est un récit de fiction sur une société imaginaire qui empêche ses membres d'atteindre le bonheur. C'est quand même un petit peu drôle, donc c'est ça le concept. Et on demande au groupe, dans une entrevue dans le magazine Progressiste, quand est-ce que l'album est complet et parfait, en fait. Eux, ils disent, il sera jamais parfait, mais à un moment donné, il faut arrêter. Je pense que ça, c'est une constante qu'on retrouve chez plusieurs groupes. Et en fin de bloc, on va entendre Nick Manius avec son disque Enmonix. Tant de Combat Kid, et moi j'avais pas encore entendu de pièces de ce disque-là, mais j'avais beaucoup aimé les deux précédents. Donc on y va avec Ostalov.

Forget this night.

Lisez son témoignage sur résidenceleportail.org. Cultive tes goûts. Et vous êtes en compagnie toujours de Bruno et Jean-François à l'émission Terra Incognita. On a terminé ce bloc avec Nick Magnus, ancien compagnon d'armes de Steve Hackett, et son album Enmonix. Et pour l'anecdote, à l'époque que Steve Hackett avait voulu engager Nick Magnus, il l'avait contacté puis il avait dit « Bonjour, je suis Steve Hackett, je voudrais vous engager pour jouer dans mon groupe. » Nick Magnus avait raccroché au nez. Parce qu'il pensait que c'était une farce. Et juste avant, on a entendu Oceanic Legend et on avait débuté avec Hostalove. Je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast. Vous pouvez aller sur le site de CKRL et vous trouverez le lien pour télécharger notre émission. La playlist est également disponible sur le site de Terra Incognita. Une petite recherche dans Google et vous arriverez rapidement à ça. Et on va poursuivre avec le groupe I, un groupe américain que je connaissais pas, mais qui apparaît sur la compilation du magazine Progressis, comme je vous le dis depuis le début de l'émission. Et cet album qui s'appelle Second Sight, l'album qui comprend la pièce qu'on va entendre, et d'ailleurs la pièce s'appelle Cult Rider. Et c'est apparemment une des meilleures de ce disque-là, mais c'est vraiment une très, très bonne pièce. Et vous allez reconnaître sûrement Black Sabbath. Moi, je trouve qu'il y a des sonorités à la Black Sabbath, et d'ailleurs, dans la description, on mentionne ça aussi. Et le groupe a une grande admiration pour Pink Floyd, et ça s'entend très bien. Et Cult Rider, l'histoire de ça, c'est un profond voyage intérieur. Et le groupe dit que c'est à propos du cerveau et ça se veut une histoire qui est sans religion, même si on semble y toucher. Là. Et on dit que c'est vraiment une histoire sur le cerveau et son utilisation. En fait, c'est l'usage qu'on peut en faire. Et ça comprend les gens qui s'en servent un peu moins. On va entendre aussi Pearl Fader. J'ai été vraiment emballé par ce groupe-là que Michel avait présenté il y a déjà plusieurs semaines. Et j'ai écouté ça beaucoup et je pense qu'on va rester un peu dans le même mood parce que ça sonne beaucoup Pink Floyd aussi. Mais on sent que le groupe s'est approprié ces sonorités-là et en a fait sienne. Et je vous rappelle que CKRL est en campagne de pre-membership. Et c'est jusqu'au vendredi 5 septembre, et en devenant membre de CKRL, en prenant la carte de membre, durant la campagne pre-membership, vous courez la chance de participer. En fait, vous participez au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ chez Sillon le disquaire. Le tirage va avoir lieu à 19h50 lors de la soirée de lancement à laquelle vous êtes convié vendredi le 5 septembre dès 17h au studio au 405 de la 3e avenue. Et le coût de la carte de membre, c'est 25$ et ça va aider à soutenir la radio communautaire francophone. Donc, on commence ce bloc avec le groupe américain I. Vous n'avez pas assez de temps pour vous et votre famille? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAV, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. À l'adolescence, il suffit souvent d'une oreille attentive pour aider, pour comprendre, pour encourager un jeune à poursuivre ses études et éviter ainsi de décrocher. L'éducation est la clé pour s'en sortir et s'assurer un avenir meilleur. Si votre ado cherche de l'aide et vit des difficultés, parfois, comme parents, on a besoin de ressources. Avec votre jeune, visitez jeunessejécoute.ca. Un message des Ursulines, fiers d'être partenaires de Jeunesse J'écoute. C'est le général de... En marge de l'événement des grands voiliers dans le Vieux-Port, le Centre de valorisation du patrimoine vivant, en partenariat avec les musées de la civilisation, présente une série d'activités reliées aux traditions maritimes d'ici et d'ailleurs. Les 5, 6 et 7 septembre, chants de marins, conférences, rencontres avec des artisans reliés à la vie maritime du Saint-Laurent. Présenté grâce à une aide financière de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications. Information www.cvpv.net. Nicolas Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariages illégitimes aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Hey, c'est bon ce thème-là. Hey, on a terminé ce bloc-là avec Pale Feather et... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore cette musique-là, très floydienne, mais avec une personnalité quand même. Et c'est déjà le dernier bloc. Et je vous parlais un peu plus tôt du magazine Progressiste, qui est numéro 77, qui est paru dernièrement. Et il y a une très belle entrevue avec Fabio Zuffanti là-dedans. On le surnomme le Léonard de Vinci du prog. Et c'est pas une étiquette qu'il veut avoir parce qu'il considère qu'il n'y a pas ce génie-là. Mais il y en a quand même beaucoup aussi. On considère toutes les musiques qu'il a faites dans les 20 dernières années. Et d'ailleurs, Fabio Zuffanti était avec nous il n'y a pas longtemps à la convention Terra Incognita. Et ça a été un spectacle assez extraordinaire. Et on espère toujours qu'il y ait une nouvelle convention, une 11e édition, et ça pourrait bien être le cas. En tout cas, on continue à espérer. Et pour en revenir à Fabio Zuffanti, le même soir ou le lendemain de sa prestation à Québec, il y avait un concert de la Mascara di Chera qui se donnait, je crois que c'est en France. Et on se demandait un peu qu'est-ce qui se passait avec lui, parce qu'à ce moment-là, il était remplacé par un autre bassiste. Bien, on a appris pas longtemps après qu'il avait quitté le groupe, et il en parle dans cette entrevue qu'on retrouve dans Progressiste. Il disait qu'il avait quitté le groupe, il avait décidé de le quitter parce qu'il y avait des différends un petit peu avec les autres membres. Et c'est un groupe qui existait depuis 12 ans, ils ont fait 5 CD. Mais ce qui m'a frappé un peu, c'est que Fabio Zuffanti dit qu'il est propriétaire du nom du groupe. Je ne sais pas s'il y a un avis légal là-dessus, là, mais il considère que s'il voudrait reprendre le nom et repartir ça, il pourrait le faire. Je ne sais pas ce que les autres membres en pensent. Et à propos de son album, La Quarta Vittima, on considère que c'est son meilleur album. En tout cas, en ce qui concerne ce qu'il a fait sous son nom, ça, il n'y a pas de doute. Mais si on pense à tous les disques de Rose Sonaten et avec Finistère, ben, il y a quand même un peu de concurrence, mais c'est quand même très intéressant, ce disque-là. Et il a travaillé avec des nouveaux musiciens parce qu'il dit que c'est la façon de s'améliorer, même que sur ce disque-là, Fabio Zuffanti ne joue même pas de la basse. Il a engagé quelqu'un d'autre pour le faire qu'il considérait plus compétent. Et sur le musicien qui était à Québec, qui jouait de la flûte traversière et du saxophone, Martin Gris, C'est un gars qui jouait avec Delirium, d'ailleurs, ça fait 40 ans de ça. Et il a même joué avec Jimi Hendrix, à ce qu'on dit dans cette entrevue-là. Il y a aussi une entrevue avec Univers Zéro, où ce qui parle des changements. J'en ai parlé la dernière fois que j'ai fait jouer la musique du nouveau Univers Zéro. Et il avait l'impression de faire du surplace. Et Daniel Denis considère toujours qu'il a donné une orientation au rock à Univers Zéro. En ce qui me concerne, je continue à dire que ça ressemble même, c'est peut-être même un petit peu plus léger. Et on va poursuivre en musique avec le groupe D'accord. C'est un groupe norvégien qui est solidement ancré dans les années 70 et ils ont même utilisé un studio analogique là, pour enregistrer cet album-là. Et en entrevue, toujours dans Progressis, on parle du nom. Et eux autres considèrent que c'est un nom approprié pour un groupe de personnes modestes. Ils revendiquent aussi la nostalgie ou le rock rétro. Et ils sont fiers de ça, eux autres, d'être bien ancrés dans les années 70 et d'avoir un petit côté nostalgique. Et pour eux autres, le prog, ben c'est une musique qui brise toutes les règles. En fait, tout est permis. Et ça donne une musique où ce qu'on peut s'attendre à peu près à tout. Donc, on va y aller avec D'accord et leur album qui s'appelle tout simplement 3. Father, entreat with me.

C'était la pièce Mr. Toad. Et si vous avez reconnu des petits airs de Fido ou Fido, vous êtes pas loin. C'est le groupe Mogun. C'est en fait les mêmes membres que Fido. Je ne sais pas pourquoi ils fonctionnent sous un autre nom. Et on retrouve ça également sur Decameron, 10 Days in 100 Novellas, Part 2. Et c'est déjà pratiquement terminé pour nous. Il reste seulement qu'une pièce et c'est un groupe qui se passe de présentation. C'est Crippled Black Phoenix de leur dernier album qui s'appelle White Light Generator. On va entendre Black Light Generator. Et c'est déjà tout pour nous. Et merci d'avoir été là. Vous étiez en compagnie de Bruno et Jean-François. Et bonne semaine. Restez avec nous pour l'autoroute. Avec... Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.